Parole de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bienvenue dans Parole de comptoir. Ici, on discute autour d'un sujet sociétal à travers trois questions. Une question philosophique, une question sociologique et une question juridique. Le but est de faire venir des personnes qui s'y connaissent sur un sujet déterminé et qu'ils apportent leur expertise. Aujourd'hui, nous allons parler d'art, la place de l'art dans notre société, ou plutôt l'origine qui pousse les artistes à créer leurs œuvres. Est-ce plutôt la souffrance ou peut-il provenir d'un trop-plein de bonheur ? Nous accueillons un couple d'artistes, Sébastien et Bérénice. Donc, le but est de discuter vraiment de qu'est-ce qui vous pousse à créer. Donc, parce que à côté, dans votre vie, vous créez beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Sébastien. Ok, ben bonjour à tous. Moi, c'est Sébastien, j'ai 27 ans et je suis un développeur mobile. Je m'exprime au travers de l'art, notamment sur la musique et beaucoup sur l'écriture, sur la fiction, sur la littérature. Et Bérénice ? Alors bonjour à tous, moi là je suis en reconversion professionnelle, j'ai 27 ans et l'art ça a toujours été dans ma vie, donc moi j'aime beaucoup le dessin, j'aime m'exprimer à travers le dessin. D'accord, alors je vais vous poser une première question avant d'aborder donc les autres questions un peu plus techniques. Déjà, qu'est-ce qui vous pousse à réaliser votre art ? Est-ce que c'est plutôt des émotions négatives ou des émotions positives ? Moi, personnellement, je dirais que ça a longtemps été des émotions négatives qui m'ont poussé à m'exprimer plus par un besoin, une nécessité pour de survie, finalement. Moi, justement, c'est le contraire. Moi, quand je me sens heureuse, quand j'ai un trop-plein d'énergie, un trop-plein de sentiments positifs, j'aime bien dessiner, j'aime bien matérialiser mes pensées et ça serait plutôt du coup le contraire, moi. C'est plutôt quand je suis bien heureuse que j'ai envie de dessiner, que j'ai envie de faire de l'art. Donc, vous êtes complémentaires, finalement. Oui. Et est-ce que vous créez à deux ? Oui. Oui. Et ça se passe comment ? Vous arrivez à harmoniser vos émotions, votre forme d'art, ça se passe comment ? Vas-y. Moi, je dirais qu'on est complémentaires. Sébastien apporte son expertise, ses idées, et moi aussi les miennes. On n'a pas la même... On n'a pas la même expertise sur notre art, en fait. On ne pense pas de la même façon, on n'a pas les mêmes émotions. Donc, je trouve que ce qu'on peut créer à deux, c'est plutôt cool. Et dans ce cas-là, vous échangez beaucoup. Comment vous faites pour le rendu final, par exemple, quand vous faites des vidéos ou... Je pense que ce qui est intéressant aussi quand on crée avec Bérénice, du coup, c'est que c'est souvent des choses marrantes. Ce n'est pas de la tristesse ou de la joie. Donc, c'est aussi une extension de nous deux en soi. Mais c'est jamais triste. Non, c'est jamais triste. C'est jamais triste, mais est-ce que c'est toujours heureux ? Je pense que du fait d'être en couple, vu qu'on est bien tous les deux, je pense qu'on a, aussi envie de créer du bonheur, de matérialiser tout ça. Parce qu'on a une bulle à nous qui est cool, qui est douce. Donc je pense qu'on n'a pas forcément envie de faire de la tristesse. Ouais, puis ça m'est jamais venu à l'esprit avec toi. Tu vois. Autant tout seul, ça me vient à l'esprit naturellement, mais avec toi, non, pas spécialement. Non, pareil. Ça me permet de rebondir donc sur la question philosophique. La création artistique suppose-t-elle nécessairement l'existence d'une faille chez l'artiste ? Donc, c'est-à-dire que l'artiste a-t-il besoin de créer pour guérir ? Donc, Sébastien, au début, tu disais que toi, tu avais besoin de créer ou d'exprimer à travers ton art. Peut-être ton mal-être, c'était peut-être pour guérir ou pas ? Ouais, je pense que ça a commencé très jeune, des peut-être 10-11 ans, où j'ai commencé à écrire mes premiers textes, et ouais, c'était toujours pour me guérir. C'était la seule manière et c'est la seule façon que j'avais pour m'exprimer, parce que j'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, et sur une feuille, c'est plus facile de prendre le temps et d'écrire ce qu'on ressent, parce qu'on est écouté par soi-même, finalement. Et Bérénice, toi, tu disais que c'était plutôt la joie qui te poussait à créer. Et dans ce cas-là, est-ce que tu penses que c'est aussi intense que la souffrance pour créer ? Alors moi, par exemple, quand je me balade et que je trouve que le paysage est plutôt beau, ça me donne vraiment envie d'écrire ou de dessiner. Mais après, je pense que la tristesse peut être aussi un art profond et intense. Plus profond que la joie ? Après, je dirais que la joie, la tristesse, ça touche peut-être plus les personnes. C'est plus profond, c'est plus intense, donc ça touche peut-être plus, ouais. que la joie. Ouais. Et toi, Sébastien ? Plus intime. Bah, oui. Je trouve ça drôle parce qu'on a parlé avec Bérénice justement de cette question. Et moi, ce qui en résultait, c'était que je trouvais que le sentiment de peine, la tristesse était beaucoup plus forte émotionnellement que les autres sentiments. Mais en soi, avec un peu de recul et de la réflexion, je dirais que ça m'est déjà arrivé d'être vraiment subjugué par des paysages, des choses qui sont assez belles. Et du coup, je reviens sur ma parole, je t'ai dit la dernière fois, non, je pense pas que la tristesse est plus forte que la joie. Ouais. Par exemple, quand on a été au musée des Beaux-Arts à Nancy, moi je suis plus émerveillée devant un tableau, genre, par exemple de Victor Prouvé, où on voit des belles couleurs, c'est pastel, c'est beau, que devant quelqu'un qui est sur une croix. Oui, c'est un peu plus triste, classiques. Pour moi c'est moins intense. Oui. Mais après c'est vrai que le sentiment de tristesse est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus personnel, donc je pense que ça touche peut-être plus. Est-ce qu'à votre sens, la souffrance est-il plus représentée dans les œuvres d'art, peinture, tout ça? Ouais, je pense que c'est plus représenté parce que c'est plus facile de souffrir que d'être heureux, je pense. En soi. Ah oui? Ouais. Parce que, est-ce que vous pensez que la souffrance rend l'œuvre plus réelle? Moi, j'ai l'impression que des fois, la souffrance touche plus parce qu'elle est plus réelle. Enfin, quand je dis réelle, c'est que la joie aussi, mais dans notre société aujourd'hui, on ose moins créer au nom du bonheur. C'est plus pour démontrer la souffrance. Bah, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une ère où on exprime plus aussi notre souffrance, notre tristesse. C'est vrai que dans notre société, on dénonce plus le mal-être que le bonheur. Mmh. On est plus dans cette dénonciation-là, et c'est peut-être pour ça que finalement, la joie, elle est peut-être moins mise en avant. Mais par exemple, toi, Bérénice, quand t'es triste, jamais tu crées? Alors, quelquefois, quand je suis triste, si, ça m'arrive de créer, mais c'est plus quelque chose que je vais garder pour moi. Mmh. Je vais moins l'exposer, je suis plus pudique par rapport à ça. D'accord. Mais c'est vrai que quand je suis triste, c'est aussi intense. Ouais. Mais j'aime pas trop le montrer. C'est vrai que je préfère montrer mes œuvres issues du bonheur, quoi. Ouais. Et toi, Sébastien, quand t'écris des chansons, en ce moment, parce que t'as un projet de lancer de chansons, c'est plus des chansons d'ordre de souffrance ou de joie en ce moment? Pour le coup, il y a vraiment un peu des deux. Ça dépend vraiment d'un jour à l'autre ou comment je vais me sentir, ce qui va m'arriver aussi au cours de la vie et dans quel souvenir je vais décider de me replonger aussi. Donc non, en ce moment, c'est assez les deux pour le coup. Donc c'est forcément issu de ta vie personnelle, tes arts, la production de tes arts? Ou est-ce que tu penses que tu peux t'inspirer également d'autres faits que d'autres personnes vivent? Non, je peux... Non, je pense pas pouvoir m'inspirer. Enfin, si, je peux m'inspirer et je peux inventer des choses, mais ça tire toujours source dans ce que j'ai vécu personnellement. C'est plus facile de décrire quelque chose, un sentiment que t'as vécu, que de mimer quelque chose que tu ne connais pas en soi. Oui, complètement. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'artiste peut très bien créer aussi bien au nom de la souffrance que de la joie? Ouais, je suis totalement d'accord. Oui, totalement. Parce que si on fait de l'art que à travers la tristesse ou la souffrance, c'est triste, ça serait pas équilibré, quoi. La oui, vie, c'est aussi une histoire d'équilibre, donc il faut de la joie et de la tristesse. Mais, il faut les deux. Du coup, ça me fait penser à autre chose, c'est que oui, c'est une question d'équilibre, mais c'est quand l'artiste est déséquilibré qu'il va au plus profond de son art, que ce soit dans l'amour ou dans la haine. Si, ou dans la tristesse, s'il va vraiment à fond et qu'il plonge dedans, malheureusement pour lui et sa vie, c'est compliqué, mais pour les gens qui sont spectateurs de son art, ça sera malheureusement beau. Une fois, j'ai un ami qui aujourd'hui est juriste, mais qui de base voulait devenir... qui aimait beaucoup le théâtre et qui écrivait des pièces. Et il m'a dit que c'était que quand il était triste qu'il réussissait vraiment et que ses professeurs lui disaient « T'es très fort quand c'est dramatique. » Et quand il était heureux, ça marchait pas. Donc au final, il faut forcément une faille chez l'artiste pour réussir. Dans ce cas-là, c'est très dur. Est-ce qu'on peut dire qu'il est heureux? Parce que c'est vrai qu'on a le cliché un peu de l'artiste qui est souvent malheureux. C'est pour ça que je voulais parler justement de ça dans cette émission. C'est est-ce qu'un artiste est forcément malheureux? A-t-il une faille? Après, je pense qu'on a tous une faille. Enfin, tous les artistes. Parce que pour moi, on est tous des artistes et on a tous une faille. Et je pense que c'est aussi grâce à cette faille qu'on peut voir la beauté aussi dans la tristesse, dans la joie, dans toutes les émotions. Ouais. Si on est que triste, je sais pas, il faut un équilibre quand même. Oui, il faut forcément un équilibre. Donc je pense qu'on a tous une faille et il faut s'en servir. C'est justement, cette faille, ça peut être une force. Ouais. Donc l'art est forcément intense, en tout cas, on peut dire ça. Oui, ça parle à tout le monde, l'art. Oui. Peu importe la forme. Oui. intense, peut-être pas tout le temps non plus, mais... C'est personnel, après, c'est subjectif. Ouais, mais le fait d'avoir une faille, je pense que... Enfin, moi, j'ai du mal avec ce concept, dans le sens où tous les humains qui sont sur cette Terre ont forcément une faille, pour le coup. Enfin, oui. On peut pas être... aller bien, être normal, être équilibré, c'est super compliqué. On peut pas classer les gens, en fait, artiste par artiste. Puis on a, comme on disait, chaque... Bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais l'art n'est pas limité à de la performance ou forcément être beau, tout ça. C'est personnel, comme tu disais, Bérénice. Oui. Ouais. Chacun va s'exprimer à sa façon. Mm-mm. C'est vaste, l'art, quand même. Hein. Ah oui, complètement. Alors, nous allons passer à la question sociologique. C'est, de manière générale, qui a le droit de souffrir ou d'être écouté dans l'espace artistique? En fait, c'est de savoir, c'est qui peut se permettre déjà de créer? Est-ce qu'il faut forcément défendre une cause sociale, dénoncer des choses ou révéler certaines beautés? Ou est-ce qu'on peut créer sur tout? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'art peut-il prendre toute forme? Y a-t-il une légitimité sociale, le temps, les moyens aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, vous, au nom de quoi vous créez? Est-ce que vous créez que parce que c'est personnel et tout ça, ou il y a quand même une cause qui vous tient à cœur? Alors moi, personnellement, c'est personnel. Ouais, il n'y a pas de cause spécifique. Il n'y a pas quelque chose que tu aimes plus démontrer que d'autres? Alors vraiment, là, moi, c'est personnel. Il n'y a pas de cause. Moi, je fais de l'art parce que ça me fait du bien. Je suis dans ma bulle. Ouais. Et il y a vraiment... Là, pour l'instant, il n'y a pas de cause actuellement. D'accord. Et est-ce que tu as un besoin d'être reconnu? Que ton art soit visible? Ou c'est que tu t'en... Juste, par exemple, tu vas le publier et t'as pas besoin de reconnaissance. Du coup, je fais de l'art parce que ça me fait du bien. Après, on est content de voir du coup son idée se matérialiser, se concrétiser. Après, forcément, je pense qu'on est quand même content qu'il soit reconnu. Moi, c'est pas ma première idée. Ouais. Mais après, je serais quand même tout de même contente si on le reconnaît et qu'on... parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ouais. Et ça vient de nous, de notre âme, quoi. Donc, c'est quand même intime. Ouais. C'est vrai que c'est quand même cool si elle est reconnue. Quoi. Ouais. Et toi, Seb? Moi, je dirais que c'est personnel, mais c'est aussi devenu une cause parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens de mon entourage me voyaient comme quelqu'un de super fort qui probablement ne pouvait pas vivre la tristesse, des choses comme ça. Les gens sont toujours étonnés quand je leur dis que j'ai une dépression, quand je leur annonce ça. Et du coup, pour moi, le fait de créer, c'est aussi se foutre tout nu en fait, devant les gens et leur dire... C'est vrai. Bah, vous n'êtes pas tout seul, en fait. Enfin, on est plusieurs. Et peut-être aussi beaucoup pour peut-être les hommes aussi qui ont tendance à moins parler de leurs sentiments que les femmes, malheureusement. Je veux... Enfin, ma cause, c'est finalement dire... en vrai, on peut parler de tout. Il faut arriver à s'exprimer, à se dévoiler. N'hésite pas à te mettre tout nu, quoi. Oui, en fait, c'est... Dis-moi si je me trompe. C'est montrer sa vulnérabilité, un peu. Exactement, ouais. C'est clairement ça. C'est ça. C'est un de tes moteurs. Ouais, puis que ça devienne une norme, en soi. C'est pas... Ouais. On s'en fout, enfin que tu sois vulnérable ou pas, enfin c'est humain. En vrai, il y a eu trop de construction sociale sur l'homme qui est fort, qui doit rien, enfin qui doit rien dévoiler, qui n'a pas le droit de pleurer, avec des conneries en vrai. Et est-ce que tu te sens légitime à représenter cette cause? Est-ce que quand tu crées et que tu publies, attention, c'est aussi la reconnaissance par ceux qui te suivent ou ceux à qui tu présentes ton art, par exemple? Quand tu crées une chanson, quand tu publies ta vidéo dans laquelle tu chantes, est-ce que tu te sens légitime à le faire? Bah, en vrai, je me sens super légitime parce que d'un point de vue macroscopique, je suis qu'un être humain sur un énorme rocher dans l'espace qui gravite, je suis une sorte de fourmi, quoi. Donc, après, j'ai souvent cette vision macroscopique qui me fait aussi avoir moins de gravité sur les choses. Je sais pas, j'ai un certain recul et je me dis on est tous légitimes à faire quelque chose. Donc, il a trop raison. Franchement. Vis-à-vis des grands artistes et tout ça, tu te sens pas forcément inférieur ou t'as pas ta place à exprimer certaines choses? Non, parce qu'en vrai, je me dis, il y a combien de... Enfin, quand tu vas à Montmartre, tu sais, genre là où il y a tous les peintres et tout, il y a combien de mecs qui peignent super bien? Ou quand tu vas dans le métro, il y a combien de mecs qui font de la musique super bien et tout? Enfin, après, c'est juste une question de chance et de contact, de connaissances. Mais on a vu un artiste à Londres qui chantait, comment elle s'appelle? Elle s'est suicidée à 27 ans. Amy Winehouse. Ouais, voilà. On a vu un artiste qui chantait ça et moi, il m'a touché. Mais le mec, putain, c'était fou, franchement, Oui, c'est vrai. Ah ouais, clairement. Il y a tellement d'artistes. En fait, l'art, faut... Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a certaines personnes qui font de l'art parce que c'est une expression de soi, mais aussi parce qu'ils veulent être connus, et ce qui est normal. Mais je pense que pour... Enfin, c'est mon avis après, hein. Je ne suis pas... Enfin, on est tous artistes dans l'âme, mais je ne fais pas vraiment de l'art comme la société l'entend. Je pense qu'il y en a quand même qui recherchent à être reconnus et que ça doit être dur pour eux, des fois, de ne pas avoir cette reconnaissance sur les réseaux sociaux ou tout ça. Et je trouve ça beau que vous le fassiez quand même, que ça se développe et que vous le viviez bien, en fait, et qu'il ne faut pas se décourager. Après, tu publies ce que tu as fait, mais après, il ne faut rien attendre en retour. Il ne faut pas attendre... Faut pas attendre de la reconnaissance parce que sinon tu peux être déçu. Et après, si t'aimes bien, au moins ça te fait plaisir et c'est le principal. Et puis après, tu verras avec le temps comment ça se passe. Ouais, moi ça me fait penser que, genre, pour la musique, j'avais un peu du mal à publier tout ça et tout. Puis à un moment, j'ai montré ça à mon pote Romain et quand j'ai vu la fierté dans ses yeux, je me suis dit, ok, ouais, d'accord, bah, je vais le faire. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a un peu débloqué aussi. Et est-ce que la performance ou la rentabilité plutôt. Peut-il dénature un peu l'art, l'essence même de l'art, que ce soit la souffrance ou la joie justement, parce qu'on rentre un peu dans une question de faut créer, faut que ce soit le plus visible possible, le plus vendable entre guillemets. Est-ce que pour vous, ça peut entacher l'œuvre en tant que telle? Ben, totalement, enfin, tu le vois avec les musiques qui sont, une bonne partie des musiques qui sont maintenant un peu calibrées pour du format TikTok, pour avoir des trends et tout, ça dénature et puis ouais, ça crée une forme d'uniformisation de la musique, malheureusement, de tout art en soi. Oui, c'est vrai que tout se ressemble maintenant. Et je voulais revenir sur les moyens. Est-ce que vous, à votre échelle, vous dépensez énormément d'argent? Est-ce que vous avez tous les moyens dont vous avez besoin pour vous exprimer? Est-ce que vous... Alors, le dessin, c'est ultra cher. Ah oui? Les produits pour dessiner, c'est super cher. Donc moi, j'ai de la chance, j'ai une mère qui a donné des cours d'art plastique, qui est aussi dans l'art, donc elle m'a donné pas mal de produits, mais c'est super cher. Hein. Franchement, ce qui touche à l'art, c'est cher. Et le temps aussi, il faut avoir du temps. Donc c'est pas forcément accessible à tous? Ça dépend de la forme d'art, enfin... Oui. Là, je vais faire un parallèle avec mon métier, mais par exemple, moi, sur le développement informatique, je l'ai vraiment appris grâce à des tutos sur YouTube, sur Udemy, des plateformes et tout. Je me suis vraiment formé tout seul. Et je pense qu'il y a plein d'arts, comme la création d'instrumental pour les musiques ou du graphisme en fait, sur ordinateur. Tu peux clairement l'apprendre de manière assez facile et gratuite. Donc, après, oui, il faut une connexion Internet et tout, mais bon, maintenant, en Europe, surtout en France... Tout le monde a un peu une connexion Internet. Oui, normalement, oui. Alors, j'aborde un autre sujet. C'est est-ce que l'artiste, dans les milieux populaires, vraiment populaires, sont-ils invisibles? Et est-ce qu'ils développent des codes, entre guillemets, d'artistes à côté de ceux qui sont plutôt classiques? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ouais, non. Je pense avoir compris. Oui, vas-y. Après, avec les réseaux, il y a tellement de visibilité maintenant que tout le monde peut un peu se démarquer, quoi. Tout le monde peut vraiment se démarquer par rapport à tout le monde qui fait des formes de vidéos ou d'art. Il y aura un petit truc en toi qui va faire que les gens ils vont bien t'aimer, quoi. Donc, faut quand même avoir un côté personnel. Oui, bien sûr. Et est-ce que dans les milieux populaires, je suis un peu cliché, mais par exemple, à l'époque, c'était peut-être plus le hip-hop pour la danse, ça va être un peu plus les tags ou tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a créé une communauté d'artistes distincts de ceux qui font de la peinture classique, entre guillemets? Pas dans le cliché. Ou est-ce que vraiment maintenant, aujourd'hui, en 2025, chacun fait plus son type d'art? Est-ce qu'il y a encore des communautés d'artistes, en fait, en fonction de leurs milieux sociaux? Chacun a son style d'art. Hein. Ouais, tu penses? Franchement, il y a ceux qui font de la poterie, il y a ceux qui font du dessin, et dans cet ensemble-là, il y en a qui se démarquent aussi par une petite touche d'originalité qui fera que elle va grave se démarquer de cette forme-là, quoi. Donc l'artiste est plus individuel que collectif aujourd'hui, vous pensez? Ouais, je dirais quand même, c'est plus facile. Combien il y a de musiciens qui font de la musique dans leur chambre tout seul, enfin, Riles ou Jeune Crack et tout, qui sont partis de leur matos et tout, ils n'ont pas besoin d'autres gens, donc c'est vachement plus individuel. Et en soi, maintenant, tu vas sur TikTok, par exemple, je sais pas, ou Instagram, t'as plein de tutos pour voir comment faire, je sais pas, des types de poterie, enfin, ou apprendre le piano, jouer certaines musiques. Donc c'est plus facile aussi d'être tout seul face à son écran et apprendre les choses aussi. Oui, c'est sûr. Donc peut-être il y a peut-être moins ce rapport à un collectif. Parce que, par exemple, moi, sur Instagram, qui est vraiment le catalogue de l'art, parce que sur Insta, vraiment, il n'y a que des artistes. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon centre d'intérêt. En tout cas, c'est ton algorithme qui te met que des artistes. Il Il y a une dame qui fait, qui rend de la poterie, on va dire, vivante en mettant des yeux, une bouche et tout ça. Mais j'avais jamais vu ça avant, moi. Ouais. Et c'est super cool. En fait, il y a de l'art, je ne connaissais même pas avant. Ouais. Et là, il s'est mis en avant et je trouve ça super cool. Et est-ce que vous pensez qu'un artiste, on va dire quelqu'un qui dessine, par exemple toi, Bérénice, est-ce que tu te sentirais, par exemple, de décrire une situation que ne te touche pas. Est-ce qu'un artiste peut se permettre ça? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, est-ce que l'artiste doit-il forcément ressentir la souffrance pour retranscrire ce qu'il veut peindre? Mm-hmm. Ou alors, il peut juste peindre la situation qu'il voit, par exemple, dans un pays en guerre ou des trucs comme ça, ou des situations qui le choquent? Bah, je pense que tu peux représenter des émotions, des sentiments qui t'appartiennent pas. Qui t'appartiennent pas. Mais je pense qu'il y a une limite quand même de représentation, quoi. Ouais, vous pensez? Je pense que t'as une socle de sentiments communs à tous, la joie, la peur et tout. Donc à partir de ces socles de sentiments, tu peux peut-être dessiner ou peindre un paysage de guerre et tout, mais par rapport à quelqu'un qui aura vraiment vécu la guerre, tu verras que le paysage, il manque de sincérité. Tu le verras directement. Vraiment? Franchement, ouais. Ouais, je pense que c'est vrai. Ah ouais. Donc c'est quand même... On revient à dire que l'art est quand même personnel. Ah oui, ouais. Oh, clairement. Ouais, c'est vrai. Alors, je bascule sur la question juridique maintenant. Et justement, on va revenir un peu à les limites de l'expression de l'art, de l'artiste. C'est déjà, peut-on tout dire au nom de la souffrance ou de la création artistique de manière plus globale? Est-ce que, à quoi se heurtent finalement les artistes? Parce qu'ils peuvent pas non plus tout dire, enfin, ou pas, justement, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout représenter? L'atteinte à la dignité, la liberté d'expression, tout ça, par exemple. Est-ce que vous verriez un peu porter atteinte à une dignité ou tout ça? Après, c'est peut-être pas votre façon de créer, mais est-ce que pour vous, c'est possible pour un artiste d'aller au-delà, au nom de la liberté d'expression? Moi, je pense que je pourrais, mais après, bon, ça me fait rire parce que j'ai grandi avec South Park et leur humour, c'est oui, vraiment c'est de vrai. Se moquer de tous les gens et tout. Puis, donc, personnellement, je pense que je pourrais. Après, là, c'est pas forcément prévu. Mais... Oui, mais par exemple, tu devrais écrire une chanson qui peut être obscène, peut tenir des propos obscènes, sexistes ou tout ça. Au nom de l'art, quoi. Si j'ai vraiment un truc à exprimer, je pense à. À Orelsan, je sais pas si je peux dire le titre. Si, tu peux le dire. Okay. Sale pute, c'est vachement obscène et pour le coup, il y a un truc à exprimer, quoi. Donc, Mais tu penses pas que ça se heurte quand même à certaines valeurs? Ouais, mais faut s'en foutre. Faire de l'art, c'est prendre position. Ok. Forcément? Non, pas forcément. Ouais, je sais pas. En vrai, on a tendance à dire que tout est politique, donc peut-être que dans un sens, si, ouais. T'en penses quoi, Bérénice? Alors moi, personnellement, je pourrais pas. Ouais, tu pourrais pas... D'un point de vue éthique, je crois que j'aimerais pas insulter, inciter à la haine ou quoi que ce soit, quoi. Ouais. Je crois que je préfère que ça reste neutre. Mais est-ce que t'acceptes un artiste, donc pas toi en tant qu'artiste, hein, mais un artiste qui produit une œuvre un peu limite, pourrait tout porter atteinte à la dignité humaine? Je sais pas, ça peut être tenir des propos racistes, tenir des propos sexistes, tout ça. Est-ce que, pour toi, il a, entre guillemets, la légitimité d'artiste? Il peut. Après, c'est la liberté d'expression, mais après, c'est chacun... C'est après, propre à chacun, quoi. Après, du coup, ça me fait vraiment penser à Youssoufa qui dit que ses profs lui ont fait lire des livres qui le traitaient de nègre, tu vois. Oui. Enfin, du coup, moi, j'ai grandi aussi un peu dans ce contexte, donc on a déjà atteint, pas ma dignité, mais mon intégrité, tu vois. Donc, mais c'est vrai que... Donc, j'ai peut-être pas la même vision aussi sur ça, pour le coup. C'est vrai. On a un point de vue différent, pour le coup, parce qu'on n'a pas le même vécu. Oui, vous n'avez pas forcément... Mm-mm. Donc, toi, par exemple, Sébastien, du fait que t'aies vécu, peut-être, t'as été racisé. Enfin, t'es racisé. Ouais. Pour toi, ça te dérange pas qu'il y ait une œuvre d'art qui pourrait être un peu discutable d'un point de vue racisme? C'est juste que je veux pas m'intéresser à cette œuvre d'art en soi, tu vois, par exemple. Mais ça te dérange pas qu'elle soit présente? Surtout lié au racisme, il y a plein d'auteurs, genre je pense à Lovecraft qui était plus ou moins raciste et tout. T'as tellement d'auteurs qui t'insultent entre parenthèses. Donc moi je veux juste pas m'intéresser à cette œuvre, D'accord. Mais après, c'est vrai que j'ai pas la pensée de me dire ça ne devrait pas exister ou pas, en fait. C'est pas... Ça existe et puis c'est tout. Ok. Donc vous êtes pour la cancel culture ou pas? Pas spécialement, en soi. Ça, c'est un autre sujet. Je suis pour la remise en question des choses, par contre. Ouais, parler et tout, c'est très important. Après, oui, il faut voir... ouais, la cancel culture. Voir, ouais. Après, par exemple, quelqu'un... qui a abusé des femmes, moi oui, je cancel. Oui. Oui, après, ouais, ça dépend du sujet. Même si son art est vraiment emblématique. Ah, ouais. Non, par exemple, ouais. Picasso, qui est un artiste vraiment méchant quoi, dans sa vie, là, c'était une ordure. Ah, je peux pas. Ah, ouais. Je peux pas regarder, moi, son art, je trouve moche. Ça, c'est personnel. Donc, pas. Ça veut dire que la personnalité peut rendre moche une. Ah, ouais, ouais. Ouais, de fou. Ouais. Ah, ouais, moi, je dissocie pas. Et les à l'inverse, il y en a qui arrivent à dissocier. Hein. Moi, je peux pas. Ouais, mais je comprends pas. Enfin, je peux pas parce que ça vient de la personne. Donc c'est comme tu disais, Seb, c'est une position en fait. Ah ouais. Ok. Ouais, tu peux pas dissocier l'artiste. Ah non. Donc pour vous, on peut pas dissocier l'artiste. Bah non, parce que c'est un enjeu. Une art, c'est le reflet de la personne. Ouais. Donc tu peux pas, si la personne elle est mauvaise, moi j'aimerais pas son art. Hein, parce que l'art, il présente pas quelque chose de sain, de beau. Ouais. Mais il y a des artistes, un peu biaisé, quoi. Des artistes musicaux que j'adorais écouter, et puis il y a eu quelques histoires, des trucs comme ça, je peux plus écouter. Ouais, alors que je te jure, il y a des musiques que j'adore pour le coup. Ouais. Mais vraiment, juste. Tu ne peux plus l'écouter, tu n'y arrives plus en fait. Non, je peux pas. Enfin, je veux pas déjà donner des streams à des gens qui ne le méritent pas et tout. Non, je peux pas, c'est pas mes valeurs. Ouais, je pourrais pas non plus. Ouais. Après, bon, aux yeux de la loi, pour l'instant, rien n'autorise la cancel culture ou pas, on dissocie les deux. Et donc, entre guillemets, l'artiste, l'œuvre d'art, du moins, est protégée malgré tout ça. Oui. Donc, je pense, ça, c'est c'est un débat juridique sur savoir si peut-on supprimer, par exemple, des salles de cinéma, un film qui a été fait par une personne qui est condamnée à telle ou telle infraction. Ça, voilà. Après, ça peut être propre aussi à chaque cinéma qui décide de republier... tel ou tel film. Mais bon, c'est pas facile cet enjeu-là. Et est-ce que, en tant qu'artiste, vous vous sentez protégé quand vous créez? Est-ce que vous avez pas peur des retombées dans ce que vous dites, par exemple? Par rapport à notre art? Oui, par exemple, si vous faites un peu des œuvres qui peuvent un peu porter atteinte à telle ou telle cause, est-ce que vous avez pas peur des retombées? On vous critique ou tout ça? Ah bah, on est artiste. Ça dépend de la cause. Ouais, ça dépend de la cause. Après, je m'attaque pas à des causes. Enfin, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas peur parce qu'il y a aucune cause à laquelle je m'attaque. Et est-ce que t'aurais peur? Je pense qu'il y a un côté de moi totalement. Et il y a un côté de moi qui me dirait si tu fais un truc, fais-le à fond en fait. Tu t'en fous. Ouais. Ah ouais, pareil. Toi aussi? Pareil, ouais. Donc ça veut dire que l'artiste, il doit vraiment assumer jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ah ouais. De toute façon, c'est très dur aussi de rétrograder. Enfin, ah oui, puis si tu fais quelque chose, tu le fais de A à Z, tu veux retranscrire des émotions, une histoire ou quoi, tu y vas à fond, quoi. Sinon, ça sert à rien. Ouais, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais un peu du mal à me dire, putain, je vais faire de la musique et tout. Dans le sens où je me disais, c'est forcément prendre une position, c'est forcément, tu vas dire des trucs et ça va pas être enlevé, ça va entacher ton image entre parenthèses. On pourra te le ressortir. Ouais, ouais. Et plus je grandis, plus je m'en fous. Je me dis juste, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des fourmis sur un caillou. Donc, Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer un statut un peu protecteur des artistes pour leur œuvre, justement, par rapport à ça? Par exemple, je crée une œuvre, ça porte atteinte à une cause. Mm-hmm. Est-ce que empêcher des personnes, par exemple, d'agir contre moi en justice parce que j'ai porté atteinte, par exemple, à la dignité humaine? Bah, pour le coup, moi, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est non. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu? Bah pareil, j'allais dire la même chose. Ouais, c'est le jeu de l'art, c'est le jeu de la liberté d'expression. C'est d'aller jusqu'au bout. C'est la vie, quoi. Hein. Il y aura toujours des humains avec des avis divergents, donc bon. Et puis c'est probablement ce petit paramètre en plus qui fait que ton œuvre est comme ça. Enfin, bon, c'est le jeu, en vrai. Puis il y en a, ils vont adorer, et puis il y en a, ils vont détester. C'est vraiment, le public est large, quoi. Et puis moi je sais que des fois... l'artiste va vouloir dire quelque chose en particulier, moi je vais comprendre l'inverse en fait. Donc chacun a son interprétation hein. Alors là, oui, totalement. Je me rappelle d'amis qui ont écouté les mêmes musiques et puis en fait on bute pas sur les mêmes phrases. Et du coup, des années plus tard, on revient et puis on se redit ah mais tiens, il avait dit ça dans le son et tout. Et puis moi je suis là, mais t'avais pas compris et tout. Puis après, inversement et tout. Donc en vrai, on écoute souvent des œuvres où on dit des choses qu'on comprendra que souvent bien plus tard parce qu'on n'a pas le vécu encore pour les comprendre. C'est vrai. Oui, aussi, c'est vrai. Et moi, ça me fait penser aussi... il y a un moment, j'ai fait une vidéo pour le festival Nikon. Ouais. Et le sujet de la vidéo, c'était un peu la dépression. C'était un peu... Le sujet, c'était là. La souffrance. Ouais, voilà. Et je l'ai montré à plusieurs personnes différentes et les trois, elles ont eu une pensée différente, quoi. Ah oui, il y en a une pas... Ouais. Que des pensées négatives ou... Non, elles n'ont pas compris de la même façon. J'ai juste mal exprimé, pardon. Il y en a une qui appelle l'hôpital. Ah oui, non mais c'est vrai que ça peut être propre à chacun. Puis ça va dépendre aussi de ce que le spectateur a vécu. Parce que je pense que ça renvoie forcément... Aussi, une fois, je me rappelle, j'ai montré un poème à ma mère. Oui. Franchement, j'étais trop fière de ce poème et tout. Elle m'a dit, j'ai rien compris. Et là, ça fait un peu de la peine. Oui. Tu dis, bon, bah, elle me comprend pas, quoi. Ouais. Mais c'est en ça que c'est personnel, en fait. Ouais. Donc, ouais. Après, je pense quand même que l'œuvre qui touche tout le monde, c'est que vraiment, cette œuvre est exceptionnelle aussi. C'est qu'il a réussi à retrouver. Non. Ou que c'est quelqu'un qui prend pas de position, surtout. Aussi. Mais bon, finalement, une œuvre d'art peut aussi... parce que prendre position, ça revient à ce qu'on disait au début, ça peut être l'expression d'une souffrance ou d'une joie. Donc forcément, une émotion, on va dire. Et donc être un peu intense. Mais dans ce cas-là, une œuvre qui est générale, qui touche tout le monde... Par exemple, je prends la vague, vous voyez ? Ouais. Enfin, moi, personnellement, elle m'évoque un changement de vie, un bouleversement. C'est la vague. Et pour d'autres, ça peut être plus... juste une vague qui fait que ça peut être sympa. Enfin, je sais pas. Vous, elle vous évoque quoi, par exemple? Moi, c'est marrant, mais en fait, en y pensant comme ça, j'ai l'impression que je la trouve belle. Mais j'ai l'impression que j'ai été conditionné à la trouver belle avec sa célébrité et tout. Oui, bah, c'est une œuvre générale, tu vois, en soi. On l'a dans notre salon. Non, on a un remis. Enfin, oui. Mais si je me mets devant elle et tout, ça... Je sais pas si j'ai déjà pris le temps de ressentir quelque chose devant cette œuvre. Oui, en tout cas, ça te vient pas au cœur directement. Non, par contre, il y a peut-être deux tableaux au Musée des Beaux-Arts. Un qui parle d'une... C'est quoi? C'est une femme qui détruit un palais par amour. Enfin, ce tableau, il est gigantesque. Et celui-là, je suis resté subjugué pendant peut-être 15 minutes. À chaque fois que je le vois, j'ai toujours le même effet. Et un autre, c'est la montagne de Gustave Doré aussi. Ça, c'est des trucs de fou. Et c'est pas des œuvres super connues pour le coup. Enfin, je pense pas. Non, ben... Et toi, Bérénice, elle t'évoque quoi, la vague? Pareil, tu la trouves belle parce qu'elle est connue et... Bah, c'est vrai que c'est pas une œuvre qui est dans mes favorites, quoi. Oui, mais c'est pas... Je dis ça, elle est très belle. J'aime bien, elle est apaisante. Elle est belle, par contre. Oui. Elle est apaisante, quand tu la vois, c'est apaisant. Oui, comme tu dis, ça représente aussi peut-être un renouveau, une page qui se tourne. Et pour d'autres, ça va peut-être juste être une vague, en fait. Enfin, des fois, il faut... C'est ça qui est bien avec l'art, c'est que c'est super personnel, tu vois. Enfin, il y en a qui vont être, je sais pas... Là, on voit l'église devant, il y en a qui vont être subjugués par les dorures et tout, puis il y en a d'autres qui vont passer, ils s'en foutent. Ou juste d'autres par les pierres. Mais ouais, carrément. Tu vois. Moi, c'est les tableaux, par exemple, de Van Gogh. Moi, j'adore Van Gogh, vraiment, j'adore son style. Ma sœur, elle aime pas du tout. Ouais. Parce que pour elle, c'était un fou, alors que pas du tout, c'était pas du tout un fou. Enfin, mais quand on comprend l'artiste, on aime davantage l'œuvre. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant avec l'art, c'est que moi, j'ai cette pensée de me dire que déjà. Tant qu'on vit, on a forcément une vision de la vie. Donc, à partir du moment où on s'exprime, c'est de l'art parce qu'on parle de notre vision de la vie. Mais surtout, on doit créer des choses parce que déjà, on est là pour rien. Donc, autant faire des trucs. Ouais, mais par exemple, ça se trouve, si un enfant n'avait pas fait un dessin il y a des années, on n'aurait pas eu la Joconde. Je pense que c'est une sorte d'effet boucle de neige à chaque fois. Et c'est pour ça que tout le monde doit faire de l'art et toucher d'autres personnes pour pouvoir créer d'autres œuvres plus grandes, entre parenthèses. Après, on peut toucher aussi des personnes, non pas par les émotions telles que la tristesse ou la souffrance, parce que, par exemple, l'art abstrait, il n'y a pas forcément, on ne met pas forcément en valeur les émotions, mais plutôt un questionnement sur le comportement, la situation. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément, on ne met pas forcément en avant les émotions, que tout ce qui est abstrait, le cubisme, tout ça, c'est, on met plus en avant un questionnement, là. Oui, c'est vrai. Et pour vous... Plus contemporain, quoi. Oui, plus contemporain. Et vous pensez que vous, l'artiste a un devoir de créer alors? Ou tout le monde a un devoir de créer? Ou même la société, finalement? Pour moi, tout le monde a un devoir de créer. Ouais, ou c'est un besoin, quoi. Parce que sinon, c'est un peu chiant, la vie, quoi. Est-ce qu'on pourrait en faire entre guillemets, un enjeu national, par exemple, prévoir de l'art dès la primaire, au collège, tout ça? Parce que je m'en souviens qu'on avait art plastique au collège, mais c'était un peu la matière qui était mise de côté si t'aimais pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, hein. C'est pas assez pris au sérieux. Moi, je m'en souviens, t'avais 18 même ans en primaire. Plastique, c'était pas ouf, quoi, parce que c'était de l'art plastique. Moi, je m'en souviens de ça, et je trouve ça dommage, parce que finalement, ça empêche déjà aux personnes qui n'ont pas forcément... Enfin, bon, moi, clairement, je dessine très mal. Vraiment. Mais aujourd'hui, je vais plus dessiner, alors que je pourrais prendre plaisir à dessiner, mais je vais pas oser parce que je dessine mal. En fait, arrêter ce jugement de valeur et peut-être plus le prévoir aussi dès la primaire, en fait, juste créer ou tout ça. Et ça me fait penser à deux choses. C'est que je pense que déjà, les cours d'art, ça devrait être juste t'arrives dans une salle, tu t'assois, et puis on te dit, mais enfin, qu'est-ce que t'aimes plus ou moins dans la vie? C'est vrai. Et en fonction de ça, bah, tiens, toi, on te donne des pinceaux, tiens, toi, on te donne, je sais pas, un instrument de musique, ou un ordinateur. Et du coup, comme ça, chacun fait sa forme d'art. Parce que on peut, c'est bizarre de finalement de donner des cours d'art, vu que c'est un truc personnel qui vient de soi. Et que tout le monde a un art différent, enfin, dans un sens, hein, je trouve ça bizarre. Après, bon. Et l'autre truc, c'est que bah, c'est souvent par rapport au prof que tu vas aimer ta matière ou pas. Enfin, tu disais que t'avais du mal à dessiner et tout. Imagine si t'avais une prof qui disait non, mais c'est pas mal ce que tu fais, vas-y, essaye plus comme ça, machin. Ça se trouve, tu kifferais dessiner. Oui, c'est vrai. Ou proposer autre chose, parce que par exemple, moi, le dessin, ça m'attire peut-être pas, mais moi, j'aimais bien construire aussi des choses. Ouais. Et ça, ça m'attirait plus, par exemple. Mais bon, vu qu'il faut suivre un programme. Ouais, c'est le problème. Tu vois, par exemple, quand tu regardes des artistes connus, ils dessinent pas forcément bien aussi. Hein. Quand oui, c'est vrai. Quand Kessaring, Matisse et tout, Henri Matisse, ils savaient pas forcément dessiner, ou alors c'est des dessins très simples. Oui. Mais ils ont réussi à exprimer quelque chose. Oui. C'est et, ça, en fait. Et attention, ils ont eu aussi des contacts. Hein, Oui, ça, ça joue. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu dis ils savent pas dessiner, bah finalement, c'est vrai et faux, parce qu'ils savent pas dessiner par rapport aux normes. C'est et justement, un artiste, il se défait des normes, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, tout le monde sait dessiner, mais personne sait tout le monde est artiste. Et moi, ce que j'aime bien dans l'art, justement, c'est de voir en toi, par exemple, Lise, toi, ce qu'il y a en toi, qu'est-ce que tu pourrais donner sous forme d'art, de construction, de dessin, de la peinture, de... Bah, mais grave. Non, mais oui. Chacun a son potentiel, et moi, c'est ça que j'aime bien voir comment tu le retranscris. Oui, parce c'est, qu'on a tous, on bouillonne tous en nous. En avec fait, c'est la retranscription de soi. Ouais. Ouais. Mais c'est compliqué, je pense, aujourd'hui, de déjà de mettre en place ça, parce qu'on est encore quand même dans une logique de performance, même si on l'est un peu moins. Et ensuite, c'est sûr qu'il faudrait mettre en place dans chaque école, des mercredis après-midi, on fait que de l'art. Et... Mais bon, il faut avoir les moyens mis à disposition. Et bah oui, puis l'art, ça, l'art, ça favorise aussi bah, du coup, la confiance en soi. Oui, c'est sûr. Plus ou l'acceptation de soi aussi. Mais puis les émotions, en fait, ça permet aussi d'extérioriser certaines émotions. Et pour un enfant, je pense qu'il bouillonne, ça pourrait les aider à même chanter, même... Et puis arrêter le jugement aussi. Parce que si on revient au fait que l'art, c'est personnel, bah, c'est sûr qu'on est dans le non-jugement. Et peut-être mieux accepter les émotions, pour le coup. Oui, parce qu'à travers l'art, justement, tu t'apprends aussi à te connaître. Oui. Mais combien t'as d'artistes qui disent dans leur interview « Ouais, mon prof, il disait qu'il faisait des conneries, oui, il était nul et tout. » Puis en fait, c'est toujours ça le même schéma, tu vois. Oui. Ouais, ouais, ça brûle de fou. Mais en Allemagne, je crois qu'il y a quand même des après-midi où, où chaque enfant va s'exprimer, que ce soit à travers le sport ou les activités manuelles ou artistiques, quand on entend par peindre, sculpter, tout ça. Mais par exemple, en France, pour l'instant, c'est encore un peu, sauf dans certaines écoles, moi, je me souviens qu'à l'école, moi, je faisais mon programme et après, moi, j'allais à mon sport. Ouais. L'autre allait faire du violon, mais c'est d'ordre privé. Voilà, bah, c'était pareil. Avant, je quittais l'école et après, j'avais mes cours d'art plastique. Et là, c'était ma bulle. Là, j'aimais bien. Je disais, la vie, c'est cool, en fait. Ouais. Mais par contre, les écoles d'art, c'est cher. Oui, c'est, en fait, c'est ça aussi. C'est, ah, non, mais c'est pas cher, accessible. Oui, puis, enfin. C'est normé aussi. Ouais, c'est... je suis pas fan des écoles d'art. Après, ça dépend. En fait, les écoles d'art, elles t'apprennent à peut-être à décrire, à, comment dire, à comprendre une œuvre, à décrire, enfin, l'étudier. Puis les techniques aussi de. Ouais, quelques techniques, mais ça t'apprend pas. L'expression ou l'imagination. L'expression de toi-même au travers de ton art, je pense. Après, hein, je peux me tromper. Mais bon, même si j'aime pas Picasso, il y a un truc qui dit, c'est qu'il a appris beaucoup à peindre. C'est pas dans son école, mais c'est dans les grottes de Lascaux, je sais plus c'est quelle grotte où il a appris à peindre, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc les écoles d'art, je suis pas un grand fan. C'est comme Van Gogh, par exemple, à son époque, il a vendu, il vendait pas de tableaux, il était pas connu. Alors que maintenant, enfin, c'est dingue, c'est toujours, c'est souvent avant, après. En tout cas, avant, pardon, c'était souvent ça. Les artistes, c'était ils étaient pas après. Connus, mais ils sont connus après. Oui, ça c'est vrai. Enfin, c'est dire que c'est la mentalité. Enfin, oui, un décalage. Imagine, tu sais, le nombre d'humains. Du coup, on a 7 milliards, bientôt 8 milliards. Combien il y en a qui créent des œuvres d'art? Il y a Van Gogh, mais il y a tellement de personnes qui sont à côté, qui sont dans des... Comment dire, c'est des, une fourmilière. Après, il y a des mouvances. Il y a aussi, par exemple, Van Gogh, il n'est peut-être pas connu à son époque parce qu'il ne rentrait pas dans les normes artistiques. Oui, il y a quand même encore ça. Bah, c'est peut-être moins aujourd'hui, c'est plus diversifié. Beaucoup moins parce qu'on a quand même on a la chance d'avoir Internet, pour le coup. Oui, c'est vrai. Là, c'est quand même une place où tout le monde peut se connecter en soi, entre eux et tout. Et tout le monde peut s'exprimer. Et on le voit très bien avec, par exemple, la musique. Par exemple, justement, le rap. Ça s'est divisé en plein de sous-genres depuis. Complètement. Et t'as toujours un public qui va aimer le type de rap que tu fais. Oui, c'est vrai. Bah, la dernière fois, on a regardé un reportage sur les sur l'art en fait. Non, c'était quoi, c'était le repas. Qu'est-ce qui fait d'un, enfin, qu'est-ce qui, comment on a, enfin, comment dire, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, et en soi c'est l'art qui fait de nous des êtres humains. Et du coup la personne elle parlait du fait que les Homo sapiens, ils faisaient déjà de l'art en fait. Oui, ils avaient déjà une manière de s'exprimer. Alors qu'il n'y avait rien d'utile, en fait. Et bah, justement, ma sœur, qui est anthropologue, m'a expliqué qu'elle, elle a étudié un peu les dessins dans les grottes. Au début, on se questionnait de est-ce que c'est pour la chasse ? Genre un plan. Oui, voilà, quelque chose d'utile, en fait. Oui, d'utile. Et en fait, elle me dit que c'était limite une représentation un peu spirituelle de on vénère le bœuf ou tout ça. On ne sait pas encore, on ne peut pas encore trancher. Hein. Donc, ce que je vous dis, c'est sous des petits. Avec des réserves. Mais c'est vrai qu'elle me disait qu'en fait, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et pareil, elle m'expliquait, bon là on s'égare un peu, mais que il y avait des cérémonies lors de la mort de quelqu'un. Mmh. Et donc, il y avait des arts, des bijoux, ils célébraient, tout ça. Oui, on avait vu, ils faisaient des bijoux. Donc l'être humain, en fait, a besoin de s'exprimer. La peinture aussi, ils ont fait de la peinture avec des métaux, des plantes. Oui. Donc ça veut dire que l'art, c'est là depuis longtemps, en fait. Oui, c'est en nous, c'est naturel. C'est une aisance naturelle. Et je pense que voilà, l'art, c'est un besoin naturel aussi de s'exprimer, de... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? On s'arrête sur ces belles paroles. Bah, faites de l'art, ça vous fera du bien, c'est très important. Et ne vous jugez pas. Et ouais, il ne faut pas se juger, il faut rester soi-même. Ouais. Et vous verrez que vous ferez de belles choses. Peut-être pas pour certains, et pour d'autres, ça sera de très très belles choses. Ouais, en soi, faites votre truc. Ouais. Et il faut s'en foutre du regard des gens. Ouais. sinon, moi je m'appelle Narco sur Instagram, c'est NARCO21. On va le suivre, besoin de reconnaissance.